communiqué officiel numéro 168 du Grand Quartier Général en date du 26 novembre au soir. Activité réduite des éléments de contact et de l'artillerie. La Suède a protesté à Berlin contre l'extension du champ de mines allemandes le long de la côte méridionale suédoise où la navigation est devenue extrêmement périlleuse. Tonight, I speak again to the people of this country who are opposed to the United States entering the war, which is now going on in Europe. Let us give no one the impression that America's love for peace means that she is afraid of war, or that we are not fully capable and willing to defend all that is vital to us. A neutrality built on pacifism alone will eventually fail. Before we can intelligently enact regulations for the control of our armaments, our credit, and our ships, we must draw a sharp dividing line between neutrality and war. Urgent, tous les citoyens belges résidant dans les îles britanniques et sujets à être appelés sous les armes pour la mobilisation générale doivent se présenter à l'attaché militaire belge 103 Eaton Square, Londres SW1. Don't know where.